la fête est finie, on descend. Les pensées qui glacent la raison, paupières baissées, visage gris, surgissent les fantômes de notre lit. On ouvre le loquet de la grille, du tout dit qu'on appelle maison. Protect me from what I want, protect me from what I want, protect me from what I want, protect me, protect me. Du groupe Placebo sur RGM, un peu plus de 8h38. On parle maintenant anniversaire. Ils sont nés un 10 décembre 1941. Naissance de Fiona Flanagan, actrice irlandaise connue pour son rôle de Rose Caffey dans la série télé Brotherhood et celui d'Eloise Hawking dans Lost, les disparus. 1960, naissance de Kenneth Branagh, acteur britannique vu dans Othello dans le rôle de Iago dans Hamlet, où il a interprété Hamlet. Wild Wild West dans le rôle du docteur Arliss Loveless, Harry Potter et la Chambre des Secrets dans le rôle de Gilderoy Lockhart, Valkyrie, Dunkerque dans le rôle du commandant Bolton de la Royal Navy, réalisateur d'Hamlet, Thor, Cendrillon, producteur d'Avengers et de Thor, Le Monde des Ténèbres. 1961, naissance de Nia Peeples, actrice américaine, vue dans la série télé Hôpital Central dans le rôle de Carla Escobar, dans Walker Texas Ranger saison 8 et saison 9 dans le rôle de Sidney Cook, Les Feux de l'Amour ou encore Pretty Little Liars dans le rôle de Pam Fields. 1965, naissance de Stephanie Morgenstern, réalisatrice, scénariste canadienne, créatrice avec Mark Ellis de la série Flashpoint. 1972, naissance de Karim Adda, acteur français vu dans Assassin, Espace détente, Ne le dis à personne, Le siffleur, à la télé dans Caméra Café dans le rôle de Vince et vu également dans Alice Nevers, Le juge est une femme. C'est également l'année de naissance de Brian Molko, chanteur guitariste du groupe Placebo. 1984, naissance de Raven Simonet, chanteuse actrice américaine vue au cinéma dans Docteur Dolittle 1 et 2 dans le rôle de Carice Dolittle, Un mariage de princesse dans dans le rôle d'Asana, la série télé Cosby Show dans le rôle d'Olivia des saisons 6 à 8 et dans Phénomène Raven dans le rôle de Raven Baxter. En 2014, c'était la naissance de Jacques et Gabriella de Monaco, prince héréditaire et princesse de Monaco, hein, les jumeaux d'Albert II de Monaco et de Charlène Whitstock. En 1896, décédé Alfred Nobel, industriel suédois, dépositaire de plus de 350 brevets scientifiques de son vivant, dont celui de la dynamite, invention qui a fait sa renommée. Et dans son testament, il légua son immense fortune pour la création du prix Nobel. L'élément chimique Nobelium a été appelé ainsi en son honneur. Et en 1967, décédé Otis Redding, chanteur américain, dont on écoutera une chanson en fin d'émission, mais là on va écouter Raven Simone avec le titre Some Call It Magic. And my friends with me, they're the only ones who know my secret. Only they do. Trying to find a way, then you're not the same. But you know you're special and believe it. Stay true to you. Some call it magic, the things I see. And I don't understand it, or why it happens to me. Some call it magic, and I don't know. And it all works out. My girl Chelsea, my boy Eddie, they help me in and out of situations. Since the future I see, but I understand it's part of who I am. I don't have to give an explanation. Some Call It Magic, Raven Simone sur le 107FM. Il est tout presque 8h44 et on fait un point météo. La météo. Alors, eh bien, aujourd'hui, ce sera encore une journée pluvieuse avec encore du vent, hein, donc soyez vigilants, mais il soufflera beaucoup moins fort, hein, que ce qu'on a pu avoir ce week-end. Des températures comprises entre 4 et 5 degrés ce matin, entre 5 et 6 degrés cet après-midi. Mardi devrait marquer le retour des éclaircies, des températures comprises entre 2 et 3 degrés le matin, entre 3 et 4 degrés l'après-midi. Et mercredi, journée placée sous le signe des éclaircies également, avec des températures qui diminuent encore, puisqu'on passera dans le négatif, hein, mercredi matin entre moins 3 et moins 2 degrés. Et pour mercredi après-midi, ce sera plutôt entre 1 et 2 degrés. Allez, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on commence avec le handball féminin et l'Euro où la France a fait match nul hier face à la Suède, 21-21. Les Françaises qui s'en sortent bien hein, puisqu'elles ont quand même été menées pendant un bon moment hein, par les Suédoises. Et il s'en est fallu de peu hein, tout de même pour que la France s'impose dans les toutes dernières secondes du match. Mais malheureusement, voilà, il faut se contenter d'un match nul. La course pour la qualification pour les demi-finales n'est pas terminée. Et mercredi, il faudra être très sérieuse face à la Serbie. Allez, on parle maintenant biathlon avec Paul Kluka. Tout ce qui s'est passé ce week-end, et ce n'était pas le week-end de Martin Fourcade. Avec tout d'abord le sprint messieurs qui a été remporté par Johannes Bö devant Antonin Gigona qui signe ainsi une très belle deuxième place et troisième place pour le russe Loginov. Septième place pour Simon Détieux, onzième place pour Quentin Fillon-Maillet. 24e place pour Martin Fourcade avec seulement une faute sur le tir couché. Il termine à la 24e place, plus d'une minute derrière le Norvégien Johannes Bø. 36e place pour Émilien Jacquelin. Fabien Claude lui a terminé 84e et son frère Florent a terminé 55e. On reste toujours avec les messieurs. On va continuer avec la poursuite qui a eu lieu bien hier matin. Elle a été remportée par Johannes Bø. Deuxième place pour un Français, mais ça a changé. La deuxième place a été remportée par Quentin Fillon-Maillet. Troisième place toujours pour le Russe Loginov. Dixième place pour Antonin Gigona. Quinzième, Simon Détieux. 16e place pour Émilien Jacquelin. Et à noter que Martin Fourcade, avec un 16/20, eh bien, n'a pas terminé la course après le quatrième tir. Hein, il a mis le clignotant. Hein, ça veut dire qu'il a tout simplement eh bien, arrêté, enlevé les skis, enlevé le dossard. Alors, c'est vrai qu'on ne comprend pas trop ce qui arrive à Martin Fourcade. Hein, ça ne lui ressemble pas à lui qui avait très bien commencé en remportant l'individuel. Eh bien, on a pu voir hein, ce qu'il a déclaré, notamment, qui bah, lui non plus hein, ne comprend pas ce qui se passe dans son corps, mais il dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Hein, il a 7 ans derrière lui où il a remporté le gros globe et il espère en tout cas que ça va passer hein, cette méforme en une semaine et non pas en un mois. En tout cas, là, le Français va marquer quelques jours de repos avant donc la prochaine étape. Pour les messieurs, ce sera vendredi hein, le sprint à Orfirsen. Allez, on passe au côté féminin avec une grande Kaisa Mäkäräinen ce week-end. Elle a tout d'abord remporté le sprint devant Dorothea Wierer. Troisième place pour Justine Brezas. Quatrième place pour Julia Simon. 30e place pour Anaïs Bescon. 40e place pour Célia Aymonier. 55e place pour Anaïs Chevalier. Et 68e place pour Enora Latuyère. Hein. Plus compliqué hein, pour la Française hein, sur le sprint. Et côté poursuite, eh bien, c'est presque le même podium. Hein. Kaisa Mäkäräinen à première place, Dorothea Wierer deuxième. La troisième place change, c'est Fialkova qui a devancé une autre Italienne, Vitozzi. À noter que les quatre premières ont tiré à 20/20 sur cette poursuite. Les Françaises sont allées un petit peu plus loin. Hein. 12e place pour Justine Brezas, 14e place pour Julia Simon, 25e place pour Anaïs Chevalier, 33e place pour Anaïs Bescon et 50e place pour Célia Aymonier. Et en Coupe de France, à noter que les deux sprints ont été remportés par Émilien Claude. Un mot de football avec les résultats de la Ligue 1, les quatre matchs qui se sont joués ce week-end. Amiens s'est imposé 2-1 à Guingamp, Rennes s'est imposé 2-0 face à Dijon, Strasbourg et Caen se sont neutralisés 2-2 et Lille et Reims se sont neutralisés 1-2. En huitième de finale de Coupe de France, seul le club vosgien de Raon-l'Étape a réussi à se qualifier pour le prochain tour en battant Saint-Maur. Épinal s'est incliné 1-0 à l'Olympique Strasbourg et Tant les Vosges a failli faire un exploit face à Valenciennes, mais au final, elle s'incline 6-3 après prolongation. Et Nancy s'est imposé 2-0 à Saint-Louis-Nevègue. Un mot des Bleus, tout d'abord féminin, avec ce week-end le tirage de la Coupe du Monde. La France sera dans le groupe A, aux côtés de la Corée du Sud, de la Norvège et du Nigeria. Et côté bleu, messieurs, eh bien, des mauvaises nouvelles. pour notamment Lucas Hernandez qui est sorti sur blessure. Il souffre d'une entorse du genou et pour Benjamin Pavard, c'est vraiment compliqué en ce début de saison. Il lui aussi est sorti dans ce match quelques minutes, enfin quelques instants même, après avoir marqué un but contre son camp. Un mot de basket avec en Pro B, la défaite de Nancy à Blois, 80-71. En National 1, le Jet Vosges s'est incliné face à Boulogne, 71-92. En National 3, Mirecourt s'est incliné à Herry, 79-74. Un mot de ski boss avec la première étape de Coupe du Monde et la victoire de Perrine Lafont côté féminin et côté masculin, la deuxième place de Benjamin Couvet. Et un mot pour terminer avec le hockey sur gazon. Ça nous change un petit peu du hockey sur glace dont on a l'habitude de parler, hein. Et bien là, c'est hockey sur gazon avec les huitièmes de finale de la Coupe du Monde et cet après-midi, la France affronte la Chine. Voilà pour l'actualité sportive. Tout de suite marqué notre dernière pause musicale avec Otis Redding et le titre My Girl. I've got the month of May. Oh, I guess you say, what can make you, me feel this way? It's my girl talking about my girl. I've got so much love. All the bees in me, I've got a sweeter song that I can sing, the new birds in the tree. Oh, I guess you will say, ooh, what can make me feel this way? It's my girl talking about my. Trading sur RGM, presque 8h54 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, eh bien on va faire un petit point sur tout ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, ce sera durablement vôtre. Midi, la bulle d'Olia. 13h30, la rediffusion des coups de cœur d'Aurélien. 15h, salut les 60 avec Gérard. 18h, l'heure des loups avec Lou, consacré à Christopher Durand, histoire de mon esprit. 20h, le calendrier de François. Minuit, la rediffusion de la bulle d'Olia. Et nous, eh bien on se retrouve demain matin. Même heure, même endroit. Excellente journée à tous. Bye bye.